Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On repart pour une nouvelle saison 2024-2025, une nouvelle saison si on se base sur le rythme des années scolaires. Nouvelle émission ce soir en différé, la première émission en direct interviendra plus tard dans le mois, le dimanche 22 septembre si je ne dis pas de bêtises. En attendant, on proposera toujours le dimanche soir de 21h à 23h des émissions avec plein de nouveautés et bien évidemment plein de très bonnes choses à s'écouter. L'émission de ce soir, évidemment, gros renouvellement, gros panel de nouveautés. Pêle-mêle pour, j'ai envie de vous dire, on pourrait vous balancer plein de gros noms pour vous aguicher un peu, mais en fait, enfin, en toute objectivité, tous les groupes qu'on diffuse une fois de plus ce soir sont vraiment ultra cool. L'émission évolue progressivement hein, d'année en année. Le but du jeu, c'est quand même de se renouveler. On a lors des émissions en direct Thibaut, le troisième membre de l'équipe qui vient nous proposer des focus. Voilà, une mise en avant d'un groupe qui fait partie de la sélection musicale actuelle. Qui voilà, qu'il vient mettre en avant en brossant leur carrière, qu'elle soit brève ou déjà bien fournie, et en venant présenter le pourquoi cet album a retenu toute son attention, que ce soit en positif ou en négatif, et au fil des émissions en différé, et aussi bien en direct d'ailleurs, on fait en sorte de diffuser les groupes qu'on a envie de diffuser pour nous faire plaisir et vous faire découvrir. Les émissions sont disponibles dès le lundi soir en réécoute via notre blog et donc réécoutable téléchargeable. Et nous sommes diffusés en direct sur toutes les plateformes de streaming audio, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, etc., etc. Et le dimanche soir via les ondes hertziennes en direct ou sur le player de Radio Béton. Ceci étant dit, retour à la musique avec allez. Petit échantillonnage quand même. Dans l'émission de ce soir, nous aurons les Américains de Nile, nous aurons les Scandinaves de Dark Tranquility, les Italiens de Forgotten Tomb, les Américains de Nails, les Français de Alceste, de Calcine, les Hispano-Colombiens de Carnivore Diprosopus et les Danois de Hyperdoncia. Parmi la vingtaine de groupes qu'on se diffusera ce soir. Première doublette dans l'émission d'aujourd'hui, donc Nile et Speed. Nile, tout d'abord, eh bien, les vétérans du Technical Brutal Death américain. La recette évolue pas des masses au niveau de l'orientation musicale. En revanche, suite à un notamment changement de line-up, le groupe évolue maintenant à 3 guitares, on a un renforcement des ambiances, les chœurs, les claviers, etc. Donc voilà, ça évolue la musique de Nile, mais c'est toujours aussi identifiable et reconnaissable. Donc je disais un troisième guitariste avec notamment un bassiste dans Nile qui fait seconde gratte chez Morbid Angel depuis un paquet d'années. C'est le 10e Effort Studio qui intervient 5 ans après le Vile Necrotic Rites. Voilà, c'est la première fois que Nile laisse passer autant de temps entre deux albums. Faut dire que ce nouvel Effort Studio a été sacrément peaufiné. Il est ultra riche, généreux. Les titres de morceaux sont absolument incroyables. Penchez-vous sur les lyriques. Carl Sanders a vraiment écrit ça avec son fion, mais ça passe vraiment magistralement bien. Et en doublette avec les vétérans américains, les jeunes couteaux de Speed, le groupe qui nous vient de Sydney, actif depuis 5 ans. Groupe de heavy metallic hardcore sauce 90s, avec une personnalité et un son déjà bien marqué. Sort là son premier album studio longue durée via Flatspot Records. Pardon. L'album est sorti au début du mois de juin. Voilà, un hardcore bien velu, très compact, qu'on a eu le plaisir de découvrir sur scène lors du dernier Super Bowl of Hardcore à Rennes. L'album s'intitule Only One Mod, on s'écoutera le titre Kill Cap. Et en ouverture de l'émission de ce soir, Nile avec un extrait d'album The Underworld Awaits Us All. Et je me suis fait plaisir sur le titre du morceau choisi, c'est celui qui fait coller beaucoup d'encre parce que ça parle de caca et que c'est super ego de parler de caca. Chapter of not being hung upside down on a stake in the other world and met with fecus in the four apes. Ça c'était juste le titre du morceau de Nile. Nile Speed, c'est l'ouverture de l'émission de ce soir. Bienvenue à toutes et à tous et très bonne écoute. I'm Seconde doublette dans l'émission de ce soir, tout d'abord un groupe qui nous vient du Grand Nord canadien, puis un groupe qui nous vient de Pologne. Le point commun, c'est qu'il fait froid dans leurs deux pays d'origine. Tout d'abord, Spectral Wand, un des groupes black metal qui marque clairement la rentrée de ce second semestre 2024. Formation qui nous vient du Québec, plus précisément, mais c'est une formation anglophone. C'est assez peu répandu pour être notifié. C'est le quatrième effort studio qui voit le jour en presque 10 ans d'existence. 7 nouvelles compos, environ 6 minutes chacune, d'un black metal hyper accrocheur, tout à la fois rao, brut dans sa base, mais aux mélodies typiquement canadiennes et aux atmosphères terriblement prenantes. Un peu comme si un groupe de metal noir québécois fusionnait avec un combo finlandais en écoutant du black death suédois. Vous voyez un petit peu le cocktail métissé de black metal que nous propose Spectral Wands. Et le groupe suscite un énorme plébiscite autour de ce nouvel album studio Songs of Blood and Mire, une sortie Profound Lore Records. En doublette, Crystal Viper, la formation polonaise qui nous sort son nouvel album The Silver Key via Listenable Records. C'est un second effort studio que nous sort la formation polonaise d'une inspiration lovecraftienne, aussi bien le titre de l'album que les morceaux que l'artwork. Un nouvel effort de titres pour une quarantaine de minutes, pas d'énormes changements dans la recette de Crystal Viper, c'est toujours aussi accrocheur, efficace, les leads et les refrains, bah voilà, c'est le genre de truc qu'on a envie de gueuler en chœur dans les rangs du Vaken. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de Crystal Viper? Le groupe accuse 20 ans de carrière, c'est leur 9e form studio, plutôt prolifique. Quelques petits changements de line-up, après l'excellence The Cult qui était sorti en janvier 2021, que j'avais personnellement adoré, notamment un nouveau cogneur, et maintenant Martha Gabriel, la vocaliste emblématique de Crystal Viper, tient également la basse, en plus des lignes vocales. Excusez du peu. Les présentations sont presque terminées, le temps de vous dire que l'on va s'écouter The Horn Marauding, extrait du nouvel effort studio de Spectral Wands, Crystal Viper, Fevers of the Gods. C'est parti. Yeah. toujours à l'écoute des ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6 et plus précisément de l'émission Hellbanger. On s'envoie la doublette suivante, une doublette scandinavo-américaine, avec tout d'abord Dark Tranquility, l'élégance même Swedish Metal Death, Melodeath, pardon, venu de Göteborg. 30 ans de carrière dépassée pour Dark Tranquility, c'est le 13e effort studio qui vient de voir le jour. Le précédent était sorti en 2020 et entre-temps le groupe a intégré une nouvelle section rythmique, ayant notamment vu son batteur historique quitter le groupe en 2021. C'est aussi un des principaux compositeurs de la formation. Ce nouvel effort studio contient malgré tout 12 titres dans la plus pure lignée d'un Swedish Melodeath, c'est catchy, évocateur, mélancolique et toujours porté par la versatilité vocal de Michael Stein. Le mec ne perd absolument rien en élégance et en efficacité au fil des années. Ce nouvel effort studio de Dark Tranquility s'intitule Anti Signals. Il est sorti mi-août chez Century Media. On s'écoutera le morceau Unforgivable. En doublette, jeune formation aux dents longues américaine, Gel. Le groupe nous vient du New Jersey. L'EP est sorti mi-août également. 5 titres, environ un an et demi après l'excellent album Only Constant. On reste sur ce hardcore vindicatif et rageur, assez punk dans l'approche, vraiment très très brut. Voilà, globalement ça sonne encore plus accrocheur et massif. Et les compos de l'album faisaient à peine 2 minutes. Là, sur cette EP, on avoisine plutôt les 2 minutes 30. On profite donc encore un petit peu plus de ce plaisir musical que nous offre Gel. Ce nouvel EP s'intitule Persona et on s'écoutera le titre de l'EP Dark Tranquility Gel. C'est parti. Years of scorn. No choice to save us now. The lingering war. doublette méditerranéenne pour la suite, puisqu'on va s'écouter un extrait du dernier album de Forgotten Tomb et du dernier album de Wound. De Forgotten Tomb, tout d'abord, formation de Depressive Suicidal Black Metal, qui nous sort 6 titres pour 40 minutes de leur recette, toujours sans équivoque, un peu black, un peu doom, un peu goth, et voilà, ce qui nous donne un cocktail DSBM absolument parfait. 25 ans que le groupe existe, et cet été est sorti donc leur 10e effort studio, toujours Kali et Glacial, ce que nous propose Forgotten Tomb. En doublette, ça vient de l'autre côté de la Méditerranée, toujours côté européen, la formation madrilène Wormed, groupe de speed technical brutal death, sci-fi brutal tech death même, qui nous sort après 25 ans d'existence, un nouvel effort studio longue durée, 4e album, toujours sur le label français Sin of Mist, 8 ans après le précédent album Kringshu, et entre temps on avait eu un petit EP 4 titres en 2019. 40 minutes d'une recette toujours aussi difficile à digérer et éprouvante sensitivement parlant, c'est presque slamisant par moments, c'est déhumanisé, radical, froid, glacial, enfin vraiment sci-fi, et pour autant leur son n'est pas aseptisé et froid comme on peut souvent retrouver dans cette scène là, c'est juste hyper intense la musique de Wormed. Forgotten Tomb, Ni Floating, c'est le titre de l'album et sera également le titre du morceau qu'on s'écoutera tout de suite. Wormed Automaton Virtuclare. Comment ça fatigue ? Automaton Virtuclare, c'est le titre que l'on s'écoutera extrait de l'album Omegon. C'est parti. We'll be right back. avant d'attaquer l'aspect française, une autre petite doublette, bah, plutôt grassouillette, hein, même si c'est deux styles d'approche du gras différentes. Orange Goblin et Nails. Orange Goblin, tout d'abord, la formation bah, déjà bien ancienne, hein, venue d'Angleterre, active depuis 30 ans. On est sur du stoner, heavy stoner, stoner rock. Et leur dixième effort studio a été livré cet été. Il est sorti 6 ans après le précédent. Et au passage, le groupe est passé d'un label anglais à un label anglais, de Candlelight direction Peaceville Records. Musicalement, pas de changement dans la recette, voilà, toujours aussi groovy, efficace, des petits passages un peu plus doom black sabbathien, un peu plus massif, mais toujours cette grosse base rock'n'roll, et des tempos plutôt soutenus même, selon les passages d'un morceau à un autre. Et ensuite, l'attente s'achève pour les fans de Nails. Le groupe a annoncé il y a assez peu de temps sa reformation, un nouvel album et même une tournée mondiale, hein, ce qui passeront sur l'ensemble des continents. Voilà, le groupe venu de Californie, actif depuis une quinzaine d'années, vient tout juste de démouler son quatrième effort studio, 8 ans après l'excellentissime You Will Never Be One of Us. Le line-up a été totalement remanié autour, bien sûr, du vocaliste guitariste tête pensante Todd Jones, avec derrière les fûts l'intégration du cogneur de chez Warbringer. Un nouvel effort studio toujours aussi radical, concis, 10 titres pour 17 minutes, vraiment très concis, d'un mix grind, power violence, hardcore, sauce HM2. L'extrait en écoute est plutôt rock'n'roll, un choix volontaire. Imagine un espèce de crossover entre Motorhead, passé dans le broyeur d'un Nails, avec un bon vieux clin d'œil à du Converge ancienne époque. Voilà. Clairement, j'ai pris une baffe monstrueuse sur cet album de Nails. Orange Goblin Ascent the Negative, extra album Science Not Fictions. Give Me the Painkiller, extrait de l'album Every Bridge Burning, signé Nails, et c'est sorti sur le label Nuclear Blast. C'est parti. sang.